regarder les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laisser brûler les petits papiers. Puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps laissez glisser papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone. Mais c'est du vent, machin, machine, papier machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches. Et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs.